Mais faut que je prenne ça, je vais pas commencer tout de suite. Alors, j'expliquais la semaine passée que l'homme a un corps astral qui reçoit constamment des impressions dans sa vie. Ces impressions-là sont des formes d'énergie qui couleurent son corps astral et qui lui donnent une certaine densité. Et l'homme vit des impressions accumulées pendant toute sa vie dans ce corps astral-là. Éventuellement, ces impressions-là sont tellement fortes, sont tellement denses, sont tellement multiples qu'elles colorent son intelligence et éventuellement coupent l'homme de l'intelligence cosmique, c'est-à-dire de l'intelligence réelle en lui. Et en coupant l'homme de l'intelligence réelle à cause de l'accumulation de ces impressions-là, il se produit dans l'homme des couleurs de fond qu'un voyant peut voir, par exemple. Et ces couleurs de fond-là sont ce que les psychologues appellent des complexes. Des complexes sont des attitudes psychologiques créées par le corps astral sur la conscience inférieure de l'ego, dans son mental inférieur, et qui sont tellement fortes que l'ego est incapable par lui-même de s'en dissocier. Il est incapable de s'en dissocier parce que ces complexes-là ont une raison qui leur est propre. Une raison qui leur est propre dans ce sens que l'ego, le mental inférieur, qui n'est pas intelligence, qui est simplement raisonnement, l'ego va donner raison à ces complexes-là, c'est-à-dire qu'il va les expliquer, il va les raisonner. Et en les raisonnant, il va leur donner une valeur psychologique en relation avec son émotivité et son mental. Et l'ego va faire ça pendant toute sa vie, de sorte que le complexe, qui au début peut être très très petit, dans ce sens que la couleur de fond n'est pas totalement stabilisée, le complexe avec les années va devenir plus fort et plus fort, et éventuellement le complexe devient tellement stable qu'il devient un aspect personnel de l'ego, c'est-à-dire qu'il fait partie de la personnalité intérieure de l'ego, pas nécessairement de la personnalité extérieure de l'ego, mais de la personnalité intérieure de l'ego. Et l'ego vit de sa personnalité intérieure, il ne vit pas de sa personnalité extérieure quand il est inconscient. C'est simplement quand il est conscient que l'ego peut vivre de sa personnalité extérieure. Je vous ai expliqué la différence entre la personnalité intérieure et la personnalité extérieure de l'ego éventuellement. Mais l'ego vit de sa personnalité intérieure et cette personnalité-là n'est pas réelle parce qu'elle est construite de ces couleurs-là qui se sont accumulées et qui se sont densifiées dans son corps astral. Et éventuellement, avec les années, ces couleurs-là deviennent tellement fortes que l'ego ne sait plus si elles sont réelles ou si elles sont imaginatives. Et en effet, elles sont réelles, mais aussi elles proviennent du fait qu'il n'est pas dans son intelligence et automatiquement elles sont imaginatives. Elles sont réelles dans ce sens que l'ego ne peut pas ne pas les sentir. L'ego ne peut pas ne pas sentir son complexe. Il fait partie de lui, il fait partie de sa personnalité, il donne une structure à sa personnalité. Il est le dynamisme de sa personnalité. Et l'ego, si le complexe est négatif, l'ego en souffre. Et si le complexe est positif, mais l'ego peut faire souffrir les autres. Et éventuellement souffrir parce qu'il y a une loi d'action et de réaction qui existe. Les gens, par exemple, qui ont des complexes de supériorité. Un complexe, c'est une condition de la personnalité humaine qu'un homme qui entre dans la conscience universelle ne peut pas faire autre chose que de perdre. Alors, le complexe est une condition psychologique que l'ego qui se conscientise doit perdre parce que quand on se conscientise, on ne peut plus arrêter de se conscientiser. Un homme qui entre dans la conscience, qui entre dans l'intelligence de lui-même, ne peut plus arrêter de se conscientiser. Son rythme peut être différent d'un autre homme. Mais il ne peut plus retourner en arrière parce qu'il sait trop de choses concernant les mécanismes ultimes de la définition de sa personnalité. De sorte qu'éventuellement, l'ego se libère de ses complexes, et lorsqu'il se libère de ses complexes, il vit une vie qui est réelle, c'est-à-dire une vie qui est à la hauteur de lui-même et qui n'a plus de fin. Mais avant que l'ego perde ses complexes, il peut se passer d'un nombre d'années. Et la perte ou la disparition des complexes sera directement proportionnelle au choc vibratoire qu'il aura reçu, soit dans une initiation, ou soit dans une instruction, ou soit dans une prise de conscience, ou soit dans une expérience. Mais l'ego devra vivre des chocs vibratoires, c'est-à-dire que son état émotif et son état mental inférieur seront soumis à un état mental supérieur, à une vibration supérieure qui décolorera le corps astral et qui permettra au corps astral de retrouver une coloration normale, c'est-à-dire une coloration qui est en harmonie avec son intelligence inférieure, mais aussi en harmonie avec son intelligence supérieure. Mais l'ego n'aime pas recevoir des chocs. L'ego n'aime pas être assujetti à une vibration supérieure. Et c'est pour ça que l'ego a beaucoup de difficultés à dépasser rapidement les complexes qui affligent sa personnalité et qui l'empêchent d'être intelligent. Lorsqu'un homme devient intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'un homme entre dans la conscience supramentale, il devient extrêmement conscient que l'intelligence qu'il a n'est pas une intelligence égocentrique. C'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence colorée par sa personnalité. Donc, c'est une intelligence qui est totalement libre de sa coloration astrale. Et s'il est suffisamment dans l'intelligence, il est capable de voir, c'est-à-dire de discerner subjectivement, non pas objectivement, mais il est capable de discerner subjectivement ses failles, c'est-à-dire ses complexes. Mais beaucoup de gens sont capables de discerner subjectivement leur complexe ou leur coloration astrale. Mais ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour corriger la couleur astrale. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font des efforts, qui font des études, qui font une recherche personnelle quelconque pour se corriger. Ils n'appellent pas ça comme ça, mais pour corriger leur couleur astrale. Mais ils s'aperçoivent après un certain nombre d'années qu'ils ont réussi un petit peu à s'améliorer. Mais que l'amélioration ne les a jamais amenés à une compréhension totale et parfaite d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le discernement subjectif, qui est une qualité de leur intelligence intuitive, n'est pas suffisamment puissant pour corriger d'une façon radicale la coloration de leur corps astral. Et souvent, ils vont faire des efforts de toutes les sortes pour se corriger, mais il reste toujours une petite traînée, il reste toujours un petit penchant, il reste toujours une attitude, il reste toujours quelque chose en eux qui n'est pas parfaitement clarifié, autrement dit, qui n'a pas complètement disparu de leur psychologie. La couleur astrale de l'ego, la coloration du corps astral est accumulative dans la vie. C'est-à-dire que toutes les expériences que l'on vit colorent ce corps-là. Et l'homme qui se conscientise a une capacité de prendre conscience de ceci. Et il n'y a pas beaucoup de jeu, il n'y a pas beaucoup de chance. Autrement dit, l'homme qui se conscientise n'a pas beaucoup de chance de se décomplexifier. Parce qu'il y a des lois extrêmement sévères concernant le corps astral, puis concernant le corps mental, puis concernant le corps d'intelligence supérieure. Et une de ces lois-là, c'est celle-ci. C'est que l'intuition de l'homme vis-à-vis de lui-même, lorsque l'homme découvre quelque chose vis-à-vis de lui-même qui ne clique pas, il doit être capable à ce moment-là, au moment même où il perçoit intuitivement ceci, cette faiblesse, si vous voulez, dans sa personnalité, il doit être capable de la reconnaître. Parce qu'il y a une différence entre percevoir une faiblesse en soi et la reconnaître. Parce que l'ego, si l'ego a moindrement d'orgueil, il peut la percevoir s'il est évolué. Mais il ne la reconnaîtra pas, c'est-à-dire qu'il ne se l'admettra pas, c'est-à-dire qu'il ne voudra pas en prendre possession. Et quand je dis en prendre possession, je veux dire en prendre la responsabilité totale afin de complètement mettre fin à cette coloration-là. Autrement dit, un homme qui se conscientise, qui entre dans l'intelligence pour qu'il ait le pouvoir de l'intelligence, même s'il n'est pas en fusion, mais qu'il ait le pouvoir de l'intelligence à corriger la coloration de son corps astral, il faut qu'il soit capable, à un certain moment donné de sa vie, ou tout le temps pendant sa vie, lorsqu'il est arrivé à un certain niveau d'évolution, de reconnaître les perceptions de son corps astral qui relèvent de la coloration de son corps astral. Il doit être suffisamment évolué pour reconnaître ce qu'il perçoit. Percevoir, c'est pas assez. Mais il faut qu'il puisse le reconnaître. Et en le reconnaissant, il faut qu'il ait suffisamment d'intelligence ou d'informations provenant d'intelligence ou d'instructions provenant d'intelligence ou des directives provenant d'intelligence à laquelle il peut se fier ou auquel il peut se fier pour se les appliquer directement dans sa vie et décolorer son corps astral. Et j'insiste pour que l'on reconnaisse l'importance de faire la différence entre percevoir nos faiblesses et reconnaître nos faiblesses. Percevoir nos faiblesses provient du fait de notre expérience. C'est-à-dire que percevoir nos faiblesses provient du fait qu'en contact avec les hommes, il y a une vibration qui émane du corps astral qui est en relation directe avec sa coloration. Mais reconnaître cette faiblesse implique automatiquement qu'il y ait en soi de l'intelligence ou de l'intuition. Mais plus on évolue, plus on a de l'intelligence plutôt que de l'intuition. Et lorsqu'on reconnaît ceci, on doit être capable de se l'affirmer, c'est-à-dire de posséder cette vibration-là, de la posséder avec l'esprit et de ne jamais la laisser tomber tant que la couleur du corps astral n'a pas été altérée, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas libre de ce problème-là psychologique qui résulte de la coloration du corps astral. Autrement dit, pour qu'un homme se conscientise à un certain niveau, il faut qu'il en arrive à percevoir et ensuite reconnaître la perception et ensuite jamais laisser de vue la perception qui provient de la coloration de son corps astral. Autrement dit, en termes très simples, s'il y a quelque chose en vous qui est croche, vous pouvez le percevoir et ensuite vous devez le reconnaître et ensuite ne jamais lâcher prise. Si vous lâchez prise, ce quelque chose retombera au niveau de votre conscience astrale et ne montre pas dans votre conscience mentale. Et ne montant pas dans votre conscience mentale, vous perdrez la notion de cette chose-là, c'est-à-dire que vous perdrez la notion de sa nature et vous retomberez, vous aurez l'impression de faire des pas en arrière au lieu de faire des pas tout le temps en avant. Alors, si dans votre expérience, puis je sais qu'il y en a parmi vous autres qui ont vécu cette expérience d'avancer, puis de reculer, puis avance, recule, puis vous avez l'impression d'avancer, puis d'un coup, vous avez l'impression de reculer, mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que vous percevez. Si vous étiez capable de reconnaître ce que vous percevez et de le posséder quand vous le reconnaissez, vous avanceriez simplement, vous ne pourriez jamais reculer, vous ne pourriez jamais demeurer stagiaire dans votre évolution vers l'intelligence. L'ego, j'ai déjà expliqué que l'ego, c'est un être avec des bonnes intentions, mais avec aucune volonté. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais ils n'ont pas de volonté. Et n'ayant pas de volonté, et je parle de volonté dans un sens très particulier ici, je parle de volonté dans ce sens, d'être capable de reconnaître ce que l'on est, qui n'est pas conscientisé, et de le posséder. Ça prend de la volonté pour reconnaître ce qui est croche en toi, ça prend une volonté d'affirmation. Et ce que les égos manquent, c'est une volonté d'affirmation, parce que l'ego a tendance toujours à rationaliser son malaise, ou à rationaliser ce qu'il devrait, ou ce qu'il est et qu'il devrait être. Il rationalise. Et quand il le rationalise, il perd la volonté d'affirmation. Et en perdant la volonté d'affirmation, il perd la capacité de retenir devant lui-même constamment et de travailler constamment sur cet aspect de son corps astral qui est coloré et qui crée en lui une certaine subjectivité et qui diminue son intelligence réelle. Et la volonté d'affirmation, c'est une volonté qui provient de l'intelligence, qui est en relation avec l'intelligence et qui nécessite que l'ego soit capable de se voir tel qu'il est et de ne pas rationaliser ce qu'il est. Et ce n'est pas facile pour l'ego de ne pas rationaliser ce qu'il est. Parce que si l'ego est quelque chose, il peut facilement dire, ben oui, mais mon père c'était ainsi, puis ma mère c'est une ça, puis j'ai pas été à l'école assez longtemps, puis c'est produit telle chose dans ma vie, puis j'ai été entraîné par des petits gars, papa. L'ego rationalise, puis c'est là qu'il perd sa volonté d'affirmation. Tous les hommes ont une capacité, même les gens les plus malades, même les psychopathes, ont une capacité de dépasser la coloration du corps astral. Mais plus t'es malade, plus c'est difficile et plus ça nécessite de volonté d'affirmation. Quand on est fusionné, même si on est à ben croche avant, ça change rien parce qu'on est fusionné. Fait qu'automatiquement, la volonté d'affirmation, on l'a parce qu'il nous est imposé une intelligence. Fait que s'ils disent eux autres quand t'es fusionné, t'es une maudite tête de cochon, pis t'es ci, pis t'es ça, pis t'es ci, pis t'es ça, pis on va t'en casser ta tête de cochon, pis ça va prendre 5 ans, pis on va te le casser ta tête de cochon, pis ça va prendre 10 ans, pis on va te le mettre à terre ton ego, pis ça va prendre tant d'années. Fait qu'éventuellement, l'ego n'a pas de choix. L'ego passe, parce qu'il est automatiquement imposer une volonté supérieure, fait qu'il passe par un petit trou, puis éventuellement, bon, mais il n'y a plus de complexe, puis la coloration, le corps astral qui est coloré change de couleur, puis éventuellement, l'ego devient bien conscientisé, bien ainsi de suite. Il rentre dans sa peau, il rentre dans son intelligence. Mais quand tu n'es pas fusionné, c'est pas aussi facile que ça. Mais l'homme a des moyens qui lui sont donnés dans l'instruction mondiale aujourd'hui, et ces moyens-là sont extrêmement précis, parce qu'ils proviennent d'une science extrêmement précise, qui est le rapport entre l'intelligence universelle et l'esprit de l'homme. Mais, même si la science est très précise, la science de l'esprit est très précise, ça nécessite toujours que l'ego ait une volonté d'affirmation lorsqu'il prend conscience, lorsqu'il perçoit des attitudes provenant de la coloration de son ego et qu'il commence à les reconnaître. Et s'il n'y a pas de volonté d'affirmation, l'ego ne pourra jamais se conscientiser et automatiquement, il vivra un plafonnement. Et un ego qui vit un plafonnement, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa bonté, quelles que soient les belles qualités vibratoires qu'il possède, un ego qui vit un plafonnement sera empêché éventuellement de dédoubler. Parce que pour dédoubler, il faut que l'ego soit suffisamment dans l'intelligence pour supporter le poids de l'énergie de l'intelligence qui va, elle, transmuter ses corps et le sortir en esprit de son corps physique plus tard. Alors, pour que cette intelligence descende, il faut pas qu'il y ait de plafond dans l'ego, c'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait de coloration dans son corps astral, c'est-à-dire que il faut que l'ego ait un bel esprit. Et pour que l'ego ait un bel esprit, ça nécessite qu'il ait une belle intelligence, et automatiquement, ça implique qu'il ait une volonté d'affirmation, ce qui implique qu'il ait une reconnaissance de la perception de son attitude causée par son corps astral. Et aussitôt que l'ego rationalise son état pour quelque raison que ce soit, il se fait utile à pas tort à lui-même, mais il retarde son évolution vers la conscience supramentale. Moi, souvent, je vais dire aux gens en passant comme ça, je vais faire une allusion, je vais dire « t'es ci ou t'es ça, moi. » Mais un jour, vous remarquerez et vous saurez et vous reconnaîtrez que le petit point que je vous ai envoyé en passant par la porte et fait partie de la précision de l'intelligence qui analyse votre caractère et votre tempérament. Et si vous êtes assez vite pour le catcher, ça, tant mieux. Si vous n'êtes pas assez vite, vous allez être obligé de le catcher plus tard, soit par vous-même ou par d'autres. Si vous êtes passé dans l'éthérique. Si vous dites, si je vous dis quelque chose, puis vous dites, wow, il est toujours après me critiquer, papapapapa. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je ne vous parle pas pour être aimé ou pour pas être aimé. Moi, je vous parle parce que ça fait partie de ma conscience de vous parler. Mais si je vous dis quelque chose qui crée un petit choc dans votre ego, watchez-le, parce que ça a une valeur fondamentale pour vous autres. Ça vous permet de reconnaître quelque chose qui est dû à l'ego de reconnaître. Puis moi, je me trompe pas anyway. Fait que même si vous pensez que je me trompe pas pareil. Fait que quand même que vous rationalisez, vous rationalisez, vous rationalisez, ça fait partie de votre expérience. Moi, je vous dois rien, puis vous autres, vous me devez rien. Mais j'ai une capacité d'échange avec vous autres qui est extrêmement subtile, qui est extrêmement occulte, puis qui est extrêmement forte, puis extrêmement puissante, puis extrêmement précise, puis extrêmement intelligente. Fait que servez-vous-en. Fait que un complexe, c'est une coloration du corps astral qui retarde votre intelligence, qui vous retarde dans l'accès à votre intelligence. Et si vous n'avez pas un jour accès à votre intelligence, vous ne serez jamais intelligent pour en bénéficier. C'est plus assez pour l'homme d'être intuitif. Ça ne va pas de la merde, l'intuition. Parce que de l'intuition, c'est de l'intelligence, mais coupée par la coloration du corps astral. Comment vous me diriez, vous intuitez ça, puis vous intuitez ça. L'intuition, c'est des petites instantanéités de votre intelligence. Puis tant que vous ne pourrez pas mettre toutes ces petites instantanéités-là ensemble, enchaîner tout ça, vous ne serez pas d'intelligence, parce que de l'intelligence, c'est ça. De l'intelligence cosmique, c'est de l'instantanéité, toutes des petites instantanéités, toutes raccrochées ensemble dans une continuité de conscience qui fait que, quand tu parles, tu es intelligent. Mais ce qui vous coupe de ça, c'est la coloration de votre corps astral. Alors, c'est à l'homme d'en arriver à pouvoir percevoir, reconnaître, de par son intuition, des petites instantanéités d'intelligence et d'en développer une chaîne, une continuité, puis c'est ça l'intelligence, puis c'est ça qui est là. Alors, vos intuitions faisant partie de l'intelligence cosmique sont colorées par l'astral, puis un jour, vous ne pourrez pas vivre d'intuition seulement, c'est pas assez de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est constamment faussé par la coloration du corps astral. Il va falloir un jour que vous en arriviez à être tellement... C'est ça, être sûr, c'est être dans l'intelligence de l'intuition. Dans l'intelligence qui englobe l'intuition. Être sûr, c'est l'intuition. Mais être sûr, c'est l'intelligence qui englobe l'intuition. Puis un jour, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand ça ira très mal dans le monde, vous aurez besoin de l'intelligence. Vous ne pourrez plus fonctionner en termes d'intuition parce que vous n'aurez pas suffisamment de support pour activer vos personnalités, votre corps mental, votre corps physique, votre corps émotionnel. Vous allez passer. Vous allez avoir des inquiétudes, vous allez avoir des indécisions, vous ne serez pas sûr. Puis quand ça va barder dans ce temps-là, vous allez être obligé d'être sûr que c'est là que vous allez ou que c'est ça que vous faites, que vous devez faire, ainsi de suite. Alors, vous aurez besoin de votre intelligence. Le phénomène des complexes existe dans tous les hommes inconscients. Et un complexe, c'est définitivement le résultat de l'influence ou de l'effet de toutes les influences que nous vivons astralement dans notre vie. Puis Dieu sait s'il y en a. Et les complexes ou la coloration de notre corps astral diminue notre intelligence et automatiquement affecte la qualité de notre vie. Et la qualité de vos vies est bien plus affectée que vous pensez. Vous autres, vous pensez parce que vous avez de l'argent en banque, puis parce que vous avez une bonne job, ou parce que vous êtes patron, ou que vous allez en fédérer de tous les ans. Vous pensez que c'est la qualité de votre vie. C'est pas ça, votre vie. Si vous regardez votre vie, s'il m'était permis à moi de vous dire votre vie dans 10 ans, ça serait ça, vous auriez des chocs aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle pas. Vous essayeriez de trouver le lien, la cheminement qui vous amène dans 12 ans à ça, puis vous auriez des chocs aujourd'hui. C'est pour ça que je ne parle jamais de votre vie demain. Et la vie de l'homme, c'est la descente de l'intelligence dans la matière qui dirige son activité humaine en relation avec les lois d'harmonie qui s'organisent dans son psychisme et qui font que ce qui est en haut est en bas. Mais pour que l'homme puisse vivre comme ça, pour que l'homme puisse vivre dans l'intelligence de la vie, il faut que son corps astral, qui est extrêmement coloré, se perde cette coloration, cette fausse coloration qui est le résultat des influences et qui le mine et qui empoisonne sa vie, c'est-à-dire que qui lui donne accès à une vie qui n'est pas une vie réelle, mais qui est une vie ou un passage purement existentiel dans la matière. Un homme ne peut pas arracher à la vie les secrets de la vie. Il est obligé de les découvrir petit à petit au fur et à mesure qu'il rentre dans l'intelligence. C'est pour ça que la conscientisation de l'humanité a toujours été extrêmement pénible. Parce que l'homme ne peut pas rentrer dans l'intelligence par le biais de la philosophie. Il doit entrer dans l'intelligence par le biais ou en relation avec les lois de l'intelligence. Et ces lois-là sont extrêmement précises. Et au fur et à mesure que l'homme rentre dans la vie, il connaît ces lois-là. C'est-à-dire qu'il vibre à cette intelligence et automatiquement, il décolore, il réorganise matériellement son corps astral. Et c'est comme ça que petit à petit, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il entre dans la vie. C'est-à-dire que il désengage son esprit des plans inférieurs et puisse se servir de son esprit pour investiguer le cosmos invisible auquel il a droit. Mais on est tellement coupé du cosmos invisible, on est tellement coupé de l'invisible, on est tellement coupé du réel que on est incapable même aujourd'hui de réaliser jusqu'à quel point on est dans l'irréel. De sorte que pour nous autres aujourd'hui, à cause de la densité de notre corps astral et de sa coloration, il nous est extrêmement difficile, même avec la meilleure volonté au monde, de nous imaginer qu'est-ce que c'est vivre dans l'invisible. Qu'est-ce que c'est vivre dans un corps éthérique? Qu'est-ce que c'est vivre dans des mondes parallèles? Qu'est-ce que c'est se déplacer dans des mondes parallèles? Pour nous autres, ça nous apparaît comme étant de la science-fiction ou comme étant une projection, soit occulte ou mythique ou mystique, d'une vision quelconque, d'un bonhomme ou d'une philosophie quelconque. Et ce n'est pas ceci. Vivre dans l'éthérique, c'est extrêmement concret, extrêmement réel et beaucoup plus réel que vivre dans la matière. Mais on ne peut pas réaliser cette réalité, cette concrétisation-là du réel, tant que notre corps astral n'est pas décoloré des couleurs ou des effets qui ont été créés par les influences extérieures. C'est pour ça qu'on est obligé à un certain moment d'être très très attentif à soi-même et de réaliser que là où en soi-même il y a quelque chose qui n'est pas intelligent, on doit mettre la hache dedans. Maintenant, les gens ou l'homme peuvent même moi qui ai un rapport très très particulier ou très près avec vous autres, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous forcer la main à décolorer votre corps astral. Sans ça, je vous ferai passer une autre initiation, comme j'ai fait passer à un certain nombre de personnes. Puis ça, je ne peux plus faire ça. Mais il y a suffisamment d'instructions maintenant données dans le monde pour que vous puissiez prendre avantage et réaliser très précisément ce que je veux dire au fur et à mesure que vous avancez dans le développement de votre intelligence et de ne jamais mettre en doute ce que je dis. Et quand je dis ne pas mettre en doute ce que je dis, je veux pas dire me croire. Je veux dire ne pas mettre en doute la finesse de ce que je dis. Si Si vous en arrivez à être capable de ne pas mettre en doute la finesse de ce que je dis, à ce moment-là, vous allez rentrer dans la finesse de ce que je dis. Et automatiquement, vous allez rentrer dans la finesse de votre intelligence et par ce moyen-là, vous allez en arriver éventuellement à percevoir des choses en vous-même que vous ne pouvez pas passer à côté. Ça va vous sauter aux yeux. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez décolorer votre corps astral et que vous allez rentrer dans votre intelligence. C'est très important de ne pas mettre en doute la finesse de ce que je dis. Parce que dans la finesse de ce que je dis, il y a deux choses. D'abord, il y a une vibration. Et deuxièmement, il y a une précision vibratoire de l'intelligence cosmique manifestée dans mon langage. Et si votre esprit est suffisamment agité par ma finesse pour qu'il se sente lui-même raffiné dans sa perception, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir en arriver à reconnaître les aspects de coloration dans votre corps astral et éventuellement en arriver à pouvoir vous sentir. Et quand je dis à pouvoir vous sentir, je dis à pouvoir vous sentir. Parce que là, vous n'êtes pas capable de vous sentir encore. Mais quand je dis se sentir, je veux dire être suffisamment dans l'intelligence pour pouvoir se reconnaître comme étant un petit peu dans l'intelligence. Si vous n'êtes pas capable de vous reconnaître comme étant un petit peu dans l'intelligence, automatiquement, vous n'avez pas le contact vibratoire avec le fil de l'énergie qui lie votre esprit à l'intelligence. Mais c'est très subtil, ça. Parce que vous pouvez très facilement penser que vous êtes dans l'intelligence, mais pas reconnaître la finesse de l'intelligence qui est cachée derrière la pensée que vous avez d'être dans l'intelligence. Et vous allez être facilement pris par l'illusion d'être dans l'intelligence, lorsqu'en fait, c'est pas dans l'intelligence que vous devez être, mais dans la finesse de l'intelligence, c'est-à-dire dans la vibration de l'intelligence, au lieu d'être dans l'esprit de l'intelligence. Et vous pouvez être dans l'esprit de l'intelligence toute votre vie, mais vous ne serez jamais dans l'intelligence de l'esprit. Puis c'est dans l'intelligence de l'esprit que vous découvrirez la finesse de l'intelligence, autrement dit, la particularité vibratoire de l'intelligence qui fait que lorsqu'elle se manifeste en vous ou par vous, elle devient extrêmement précise, elle devient comme un scalpel qui enlève sur le mur du corps astral ces couleurs qui sont incrustées et qui peuvent demeurer toute votre vie si vous ne commencez pas à défaire le plâtre. De l'intelligence, ça se rationalise pas. De l'intellect, ça se rationalise, mais de l'intelligence, ça se rationalise pas. Et pour ne pas perdre son temps à rationaliser de l'intelligence, il faut avoir la finesse de l'intelligence. C'est-à-dire, il faut vibrer à l'énergie de l'intelligence. Il faut être dans l'intelligence de l'esprit et non dans l'esprit de l'intelligence. Quand même, vous auriez toutes les qualités au monde pour être dans l'esprit de l'intelligence, vous ne serez jamais dans l'intelligence de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'impression que vous êtes intelligent, mais vous découvrirez avec le temps que, en regardant en arrière, que vous n'étiez pas aussi intelligent que vous pensiez. Parce qu'une fois que vous entrez dans l'intelligence de l'esprit, autrement dit, dans la finesse de l'intelligence, vous allez découvrir une chose, c'est que vous n'êtes pas capable de vous tromper sur vous-même. Quand tu es rendu là à pouvoir réaliser que tu n'es pas capable de te tromper sur toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de ne pas voir ce qui n'est pas correct avec toi-même parce que tu n'es pas capable de ne pas voir ce qui est enregistré dans ton corps astral en relation avec les attitudes qui sont créées au travers de ta personnalité. C'est là que tu commences à prendre conscience de toi et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à être dans ton intelligence et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à non pas t'apprécier, mais apprécier ce que tu manifestes. Alors, si tu apprécies ce que tu manifestes, c'est pas toi qui t'apprécies l'intelligence en toi. Mais si vous vous appréciez automatiquement, vous êtes dans l'esprit de l'intelligence, puis là, vous allez frapper un nœud parce qu'ils vont vous prendre dans le coin puis ils vont vous faire réaliser que vous n'êtes pas aussi fin que vous pensez. Les mots sont peut-être extrêmement précis. Quand je vous parle d'une façon extrêmement précise, puis je ne peux pas me servir d'un autre mot, c'est celle-là. Fait que c'est à vous autres de pouvoir entrer, être suffisamment dans la finesse de votre intelligence pour capter la vibration du mot, puis à ce moment-là, là, vous avez un scalpel dans les mains, là, vous êtes capable de faire quelque chose. Sans ça, vous allez rationaliser, puis vous pouvez rationaliser éternellement, et automatiquement, vous allez avoir un plafond. si vous allez avoir, si vous avez un plafond, il n'y a aucune garantie que vous passez dans l'éthérique. Vous pouvez pas passer dans l'éthérique avec un plafond. Même si vous êtes bien évolué. Vous allez mourir pareil, mais vous allez évoluer plus vite sur d'autres planètes pour vous revenir ici sur la Terre plus tard. Fait que je vous avertis. C'est même ça marche. C'est plein d'hommes et de femmes dans le monde qui sont dans l'esprit de l'intelligence. Il y en a en masse de gens qui sont dans l'esprit de l'intelligence. Mais des gens qui sont dans l'intelligence, dans l'esprit sans terre, il y en a un très petit nombre. Et ces gens-là doivent un jour connecter ensemble. Qui viennent de n'importe quel pays, ils doivent connecter ensemble et ils connecteront ensemble. C'est une chaîne mondiale, cette affaire-là. Il y en a une centaine de mille, un petit peu plus que ça. C'est une chaîne mondiale. Fait que c'est aucune sécurité pour l'homme d'être dans l'esprit d'intelligence. C'est plus beau, c'est plus grand que d'être dans la conscience, mais c'est aucune sécurité. Mais ça permettra à l'homme d'évoluer plus vite, le fait qu'il est dans l'esprit d'intelligence. Mais c'est pas les hommes qui sont dans l'esprit d'intelligence qui m'intéressent, ce sont les gens, les hommes qui sont dans l'intelligence de l'esprit. Ça, c'est un autre pire demande. C'est pour ça qu'il y en a très, très, très, très peu. Et c'est ça qui défonce le plafond. C'est pour ça qu'un homme qui rentre dans l'esprit de l'intelligence, dans l'intelligence de l'esprit, éventuellement en arrive à décolorer complètement son corps astral. À changer totalement sa nature et éventuellement, parce que c'est le corps astral qui nous bloque de notre intelligence. Et c'est le corps astral suffisamment sensible qui nous donne l'intelligence, l'esprit de l'intelligence. Ben, quand un gars se fait dire c'est le Christ qui te parle, il est dans l'esprit très avancé de l'intelligence, mais il est en danger sacrément. C'est ça que je veux dire. Ben, être dans l'intelligence de l'esprit et d'être dans l'esprit d'intelligence, il y a une maudite différence. D'ailleurs, la différence est aussi grande, malgré qu'elle soit plus pernicieuse et dangereuse, que la différence entre un homme qui est simplement dans son intellect. La différence entre un gars qui est dans son intellect et l'esprit d'intelligence, c'est aussi grand qu'un homme qui est dans l'esprit d'intelligence puis dans l'intelligence. L'intelligence, c'est infini, c'est cosmique. L'esprit de l'intelligence, c'est planétaire. Puis l'intellect, c'est purement racial. L'intellect, c'est racial. Va dans une culture, l'intellect japonais, l'intellect chinois, l'intellect russe. Rentre dans l'esprit d'intelligence, bon, là, t'as du psychisme mondial. Que ce soit en Russie, où ils sentent toute la même chose. Ça, c'est l'esprit d'intelligence. Puis l'intelligence, c'est cosmique. C'est un autre palier. Ça, ça couvre tout. Fait que c'est important que les gens comprennent la différence entre l'intellect, l'esprit d'intelligence et l'intelligence. Et tout ça en revient au fait que, pour passer de l'esprit d'intelligence à l'intelligence de l'esprit, il faut que l'homme vive la décoloration du corps astral, il faut qu'il perçoive sa nature, ses attitudes, et qu'il les reconnaisse. Et qu'une fois qu'il les a reconnus une à une, il ne s'agit pas de tuer à changer, d'abord vous ne pouvez pas vous changer par vous-même, mais le fait que vous en reconnaissez une, là ça travaille sur ça, ça travaille. Puis là, l'intelligence de l'esprit va travailler sur vous, en relation avec ce que vous avez reconnu. Mais tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous avez perçu, eux autres ne peuvent rien faire en haut. Parce que votre corps astral est trop dense. C'est pour ça qu'ils me font faire les cassettes. Ils me font faire les cassettes pour expliquer tous les aspects énormes et multiples de la conscience humaine, de l'inconscience humaine, de l'astralité de l'homme et des attitudes de l'homme, pour que chacun puisse trouver un filet qui le mène à son intelligence. Il y a des gens qui souffrent énormément de leurs complexes. Puis ça se comprend. Parce que tu ne peux pas ne pas souffrir de tes complexes. Parce que quand tu as des complexes, tu n'es pas intelligent. Alors, automatiquement, tu souffres. Pourquoi est-ce que les hommes souffrent? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Un homme qui est intelligent ne souffre pas. Souffrir de quoi? Quand tu es intelligent, tu ne peux pas souffrir de rien. Au niveau de soi-même, je parle. Je parle pas au niveau d'eux autres, pis toi. Eux autres peuvent te faire passer des mauvais quarts d'heure jusqu'à temps qu'ils balancent tes corps. Mais tu ne peux pas souffrir quand t'es dans l'intelligence de toi-même. C'est impossible. Tu peux bien souffrir d'eux autres, mais tu peux pas souffrir de toi-même. T'es toujours bien à ta peau. Alors, les hommes souffrent énormément de leur complexe, et un homme qui souffre de lui-même, si vous souffrez des autres, ça me dérange pas, je suis content. Mais si vous souffrez de vous-même, là, ça me dérange. Ça, c'est une grande différence que je veux dire. Si vous souffrez de vous-même, ça me dérange. Si vous souffrez des autres, je suis content. Parce que si vous souffrez des autres, c'est qui vous amène à pas souffrir de vous-même. Mais comme ils peuvent pas vous expliquer comment est-ce que vous fonctionnez, moi, je le fais. Fait comme ça, on avance toute la gang ensemble. Et un homme qui souffre de lui-même ne peut pas être dans la vie. Il est existentiel. C'est-à-dire que sa vie est totalement prédéterminée par l'organisation planétaire dans laquelle il est plongé. Il n'y a aucun pouvoir sur sa destinée. C'est connu, ça peut être écrit, un astrologue peut dire, toi, tu vas crever en telle année. Puis il va crever dans ce bout-là. Mais un homme qui est dans l'intelligence, il crève quand il veut, puis il crève plus. Fait que le phénomène des complexes est extrêmement important à la lueur de la conscience supramentale. Il va beaucoup plus loin que la psychologie cartésienne peut l'expliquer. Alors, dans le phénomène des complexes, j'ai déjà dit aux gens, commencez donc par vous prendre comme vous êtes. Vous êtes comme vous êtes. Vous avez été plongé dans un médium de vie qui vous a créé des influences, qui a créé une coloration dans votre corps astral. La première chose que vous devez apprendre à partir du moment où vous entrez en contact avec de l'intelligence qui explique les lois de l'esprit, c'est de vous prendre comme vous êtes. Et un homme qui commence à se prendre comme il est, là, puis pas rationaliser ce qu'il est, puis pas regarder dans le passé ce qu'il est, puis pas regarder les bêtises qu'il a faites, ainsi de suite, à ce moment-là, cet homme-là commence à arrêter la formation en lui des complexes. Il commence à mettre terme à la continuation de ce processus-là involontaire qui est la formation des complexes. Et à ce moment-là, mais là, il y a tout le temps devant lui pour commencer le processus arrière qui est la destruction des complexes. Mais un homme qui ne comprend pas ça et qui continue à rationaliser, à regarder dans le passé, à vivre de son passé, puis à s'apitoyer sur son passé, à vivre et à se saturer de ses complexes, ne pourra jamais en arriver à se décomplexifier parce qu'il faut qu'il en arrive à un certain moment à arrêter complètement ce processus-là dans son temps psychologique, dans son historique personnel. Il faut qu'il en arrive à un certain point d'être capable de comprendre et de saisir et de valoir ou de se prévaloir de la finesse de l'intelligence qui dit que si tu étais dans la marde pendant 20 ans, ça n'a plus une crise d'importance aujourd'hui. Pars de zéro. Là, commence à réorganiser ta matière. Puis ça, c'est le premier mouvement de l'homme qui va vers la conscientisation et qui va vers la réorganisation de son corps astral, la décoloration de son corps astral et l'ajustement de son mental inférieur à son mental supérieur en relation avec l'intelligence. Mais il est obligé, à un certain moment, veut pas, quelle que soit la densité de ses complexes, quelle que soit la densité de sa coloration astrale, il doit être capable et assez fort et assez capable de prendre pour acquis ce que je dis. Autrement dit, investir dans ce que je dis un peu de sensibilité, de finesse. Il faut qu'il y ait assez de finesse pour être capable d'investir dans ce que je dis. Autrement dit, de prendre ce que je dis à la lettre et l'appliquer tout de suite. S'il est capable de faire ça, à ce moment-là, automatiquement, il peut commencer à travailler. Sans ça, il va traîner ses attitudes toute sa vie. Puis même s'il spiritualise, puis même s'il m'entend parler, puis même s'il m'entend jaser, puis même s'il écoute mes cassettes, ça va mener nulle part. Ça va simplement élever son plafond, mais ça ne mettra pas de trou dedans. Puis votre plafond, un jour ou l'autre, il faut qu'il soit pété. Puis il va être pété quand vous serez dans votre intelligence.

Mais ça nécessite un désengagement au niveau de notre personnalité. Drôle, c'est qu'on fait avec les enfants. Ah, oh oui, c'est vrai que les enfants, ça marche. Les enfants, ils parlent tout croche, tu comprends pareil. Tu l'acceptes, les enfants, parce qu'il n'y a pas de conflit au niveau de l'ego avec les enfants. C'est un enfant. Oui. Fait que ton enfant qui te dise quelque chose, oui. Ça passe. Oui. Aussitôt que c'est un adulte, là, ça passe plus, là. Il va dire la même chose que l'enfant, mais ça passe plus parce que c'est un adulte qui le dit. Mais les enfants, ils écoutent. Parce qu'on est bien plus insécure face à un adulte que face à l'autre. Exactement, ça revient tout à l'insécurité, autrement dit, ça revient tout au complexe. C'est un cercle. Tout revient au complexe. À coloration astrale. C'est les enfants qui savent le plus, je trouve, avec l'énergie. Ben, les enfants sont dedans. Puis il capte l'énergie aussi, parce que l'enfant, quand il est tout petit bébé, là, la mère n'a pas besoin d'elle. Si elle lui parle, elle lui dit des mots, etc. L'enfant, il comprend pas. Il comprend la vibration. C'est ça. Puis éventuellement, mais il sait de la forme plus tard. Va voir. Faites-en un test un jour. Allez parler avec Michaud. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Vous allez apprendre quelque chose. Il est au bout. Il est là, il est vert. Ils disent de pratiquage. Y en a-tu parmi vous autres qui parlent bien? Moi. Toi, tu parles bien? Oui, tu parles bien. Y en a-tu d'autres? Oui, tu parles bien. Moi, j'apprends d'autres. Toi, tu parles bien. Toi, tu parles bien, mais t'es difficile des fois à saisir parce que les gens. Toi, t'es sérieuse de nature. Quand tu parles, oui, je parle pas des facts quand tu fais des jokes. Ouais. Mais quand tu parles, t'es tellement sérieuse que les gens savent pas ce quel pied danser jusqu'à temps qu'ils te connaissent. Mais c'est vrai que tu. Toi, t'apprends à parler. Moi, je parle bien que ça s'accroche. Toi, tu parles bien, mais ça s'accroche. Il y a une condition à ça. Il y a une condition à ça. Tu parles pas bien tout le temps. Ça vient avec l'hiver, mais ça s'accroche. Ouais. Là, c'est bon. Toi, tu parles mal, tu t'exprimes bien. Je parle mal, mais je t'exprime bien. C'est intéressant, ça. C'est bien dit, ça. Tu parles mal, mais tu t'exprimes bien. C'est intéressant, ça. Tu crois pas tes yeux que tu dis ça. Bien parlé. Je suis plus convaincu. Une qui parle bien, c'est Gisèle. Elle a parlé bien. C'est clair et net. Comment tu parles, toi, Daniel? Je parle selon ce que je sens de la personne à qui je parle. Si mon langage s'adapte à la personne à qui tu parles. Ouais, ça c'est bien. C'est le kit du miroir. C'est bien le kit du miroir. Tu, docteur Herbeck, comment tu fais? Juste de l'air. Guy, comment tu parles? Ça, c'est parfait. Je l'attendais à celle-là. Je l'attendais dans celle-là. J'aurais été bien surpris si elle avait dit d'autres choses.